quatrième et dernier temps de notre série sur la citoyenneté et le pouvoir. Aujourd'hui, le documentaire. Depuis lundi, nous nous interrogeons sur les relations entre pouvoir et citoyenneté en nous demandant quelle forme a pris cette citoyenneté. Par exemple, dans la Grèce antique, c'était mardi, ou encore dans les régimes variés qu'a pu connaître la France au XIXe siècle, c'était hier. Ce matin, le documentaire de Séverine Yatar et de Marie-Laure Ciboulet approche une expérience citoyenne municipale intéressante dans la ville de Louviers, en Normandie, entre 1965 et 1983, une ville si chère au cœur de Pierre Madès France. Un documentaire donc jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, rendre le pouvoir aux citoyens, Louviers 1965-1983, avec les témoignages et les analyses de Sabine Anquetin, de François Bureau, de Simone et Jacques Étienne, Reynald Arlot, Jean-Charles Well, Isabelle Martin et Hélène Hatzfeld. Je crois que ce qui était au centre du projet, c'était vraiment les gens, enfin, l'humain. Les personnalités étaient très diverses et très variées, mais les gens avaient un sens commun, étaient quand même réunis autour d'idées communes. Mais c'était un équilibre, un travail permanent entre citoyens et individus. Ernest Martin, bon, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant, fin, curieux, à l'écoute des autres, et quelqu'un de vraiment très très charismatique. On n'était pas politisé au sens traditionnel des partis, mais on était venu pour un projet. On voulait changer la vie. Enfin. Une lutte incessante contre les inégalités, une lutte permanente pour la justice et surtout une lutte permanente pour la culture, car il considérait qu'un citoyen qui n'était pas formé, qui n'était pas éduqué et qui n'était pas informé ne pouvait pas remplir complètement son rôle de citoyen. Rendre le pouvoir aux citoyens, Louviers, 1965-1983. Tous ces gens qui ont participé à cette expérience-là l'ont fait avec énergie, avec authenticité. On s'est beaucoup amusé, on s'est beaucoup engueulé aussi. À Louviers, petite ville de 20 000 habitants en Normandie, une liste d'union des gauches, conduite par une figure charismatique de la cité, le docteur Martin, emporte de manière inattendue les municipales de 1965. Ancienne terre d'élection de Pierre Mendès France, le maire, sans attache politique, énonce les grands principes de son projet centré autour de l'émancipation sociale, politique et humaine. Cette expérience de démocratie municipale s'échelonne en trois temps. Au cours d'une première phase de pouvoir, de nombreuses initiatives liées à l'enfance, à l'urbanisme et à la culture, fondée toujours sur la gratuité des services, sont mises en place. En 1969, lorsque la droite gagne les élections, le Comité d'action de gauche, le CAG, se tenant à l'écart de tous les partis politiques, part à la reconquête de la mairie. Après cette intense période de réflexion et de proposition, la liste d'action de gauche, toujours guidée par le docteur Martin, gagne à nouveau les élections en 1976. Le docteur Martin était connu à Louviers pour être un animateur thérapeute d'un groupe d'hommes qui étaient alcooliques et qui cherchaient à sortir de cette addiction. Jean-Charles Well, militant du CAG et journaliste à la Dépêche. Le docteur Martin était aussi médecin de l'hôpital et à l'hôpital, il avait l'occasion d'exprimer tous ses talents, toutes ses connaissances, tous ses diagnostics qui étaient la plupart du temps extrêmement fiables et précieux. Donc, quelques personnes à Louviers, dont des communistes, dont des madésistes, ont eu l'idée d'aller chercher cet homme comme un sauveur de dernière minute, comme étant celui qui pourrait prendre en main la destinée de la ville, compte tenu de la réputation qu'il avait. Et le docteur Martin accepte. Mon père, c'est quand même quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Je le dis pas parce que c'est mon père, mais bon, c'est vrai qu'il avait une énergie, une vitalité. C'est quelqu'un qui était du côté de la vie, ça je pense très profondément. Isabelle Martin, militante du CAG. Et qui vient d'une famille de militants. toute la branche paternelle, c'était des militants qui venaient de la 4e internationale, mais du côté plutôt de l'anarcho-syndicalisme. On a un arrière-grand-père qui montait des coopératives dans le sud de la France. D'ailleurs, mes parents se sont connus par l'intermédiaire de ce mouvement politique. La famille maternelle était plutôt du côté cégétiste, quoi. Et donc, il avait en lui cet intérêt pour l'autre de toute façon. Hein. Il était connu à Louviers pour être un jeune médecin. Il était jeune, il avait 35 ans, je crois, à l'époque. Il était tout à fait connu comme étant un médecin de gauche, un médecin qui ne faisait pas payer les gens. Ce qui fait que, bon, effectivement, ça posait pas mal de problèmes. Enfin, il était connu pour s'occuper des gens et être proche des gens. Petite fille, je me souviens avoir été acheter du Léguigose à la pharmacie parce que les dames qui n'avaient pas de quoi payer le Léguigose, ils nous envoyaient de l'acheter le lait. Enfin, vous voyez, c'était très particulier quand même, hein, comme fonctionnement. Bon, alors donc, quand en 65... la liste de droite allait l'emporter. Au second tour, donc, la liste des Mendécistes sont venus le chercher en lui disant « il nous faut une tête de liste forte ». Et il s'est retrouvé comme ça, au second tour, gagné à une voix près. Le mercredi qui précède le second tour, il rédige de sa main ce manifeste pour une union des gauches. Et ce manifeste est extrêmement important parce que il dit tout ce que sera la politique qu'il conduira de 65 à 69 et qu'il essaiera de conduire à nouveau de 76 à 83, non plus en tant que maire, mais en tant que premier adjoint. Donc ce manifeste illustre magnifiquement ce que sera la politique d'Ernest Martin. Toi dont l'idéal veut l'égalité sociale entre tous les hommes, toi qui souffres chaque jour de le voir bafoué, toi que blesse l'injustice entre le riche et le pauvre, toi qui sais que les chances d'un fils d'ouvrier seront toujours moindres que celles d'un fils de patron, quelles que soient les prétentions à la répartition des richesses que tolère un système capitaliste, quelle que soit la bonne volonté du patron à se vouloir social. Toi qui sais que la soif légitime de savoir conduit plus vite à la connaissance du monde qu'à la compréhension de l'ambiguïté du comportement humain. Toi qui sais que la dignité, c'est d'accepter cette nécessité de s'exprimer au dehors, en refusant que le dehors s'exprime à travers toi, par le conditionnement, la propagande, le sectarisme, le racisme, jusqu'à l'angoisse de vivre, jusqu'au besoin impérieux du refuge, dans la propriété, la possession, l'avilissement d'autres hommes. Hélène Asfeld, l'idée, c'est que quand même la plupart ne sont pas encartés dans tel ou tel parti avec une volonté d'autonomie. C'est une grande caractéristique, effectivement, de ce qui s'est passé à Louviers. Dans la première municipalité de 1965 à 1969, il n'y a effectivement qu'une petite partie des gens qui ont pris cette municipalité, qui sont dans un parti politique, et ce parti est le Parti communiste. À part deux ou trois personnes qui sont au Parti socialiste unifié, donc au PSU, mais l'ensemble de ces militants n'est pas dans un parti. Dans le manifeste d'Ernest Martin, il est écrit que les appartenances au parti politique éloigne en quelque sorte les militants de la recherche de l'égalité, de la vérité, de la sincérité. Les militants des partis défendent plus le contenant que le contenu et au fil du temps, compte tenu des difficultés du pouvoir qui sont réelles, la pratique du pouvoir est quelque chose d'extrêmement difficile pour satisfaire souvent des contradictions, des antagonismes. C'est difficile d'avoir un consensus, on est plus dans le dissensus politique qu'autrement. C'est pourquoi la formation politique de l'individu, du citoyen, est plus importante que l'adhésion à un parti. En ce sens, le texte d'Ernest Martin s'inspire très fortement des idéaux de Pierre Mendès France. La première rue en France à porter le nom de Pierre Mendès France a été baptisée cet après-midi à Louviers dans l'heure. France Inter, 4 novembre 1980. C'est d'ailleurs dans cette ville que l'ancien président du Conseil avait obtenu en 1932, à 25 ans, son premier mandat législatif. De nombreuses personnalités ont participé à la cérémonie. À signaler aussi que Robert Badinter a indiqué aujourd'hui que les cendres de Pierre Mendès France pourraient être bientôt transférées au Panthéon. Cependant, Hélène Asfeld, la filiation mendésiste. Pierre Mendès France a été maire de Louviers. Le docteur Martin, on comprend qu'il se retrouve au second tour sur la liste et il devient maire, non pas par hasard, mais enfin, c'était pas quelque chose de prémédité. Et alors, lui-même, se dit-il mendésiste, il est quand même plutôt issu d'une famille anarcho-syndicaliste. On le voit dans les documents, notamment, que j'ai pu recueillir de l'époque, hein, entre 1900, donc, 65 et 1983. Mendès France n'est pas cité alors que, bon, il a été le maire de cette ville auparavant. Il y a une imprégnation du mendésisme qui me semble extrêmement forte sur l'attention, hein, aux gens, l'attention aux militants, volonté de participation, de volonté d'information. Tout cela vient du mendésisme, comme s'il y avait un creuset qui avait imprégné les militants dont ils étaient issus, hein, mais dont, en même temps, ils ne parlent pas. On est dans une réinvention des choses sans que la filiation soit très clairement indiquée non plus. Il n'y en a pas besoin d'une certaine manière, hein, c'est une forme d'évidence à Louviers. Isabelle Martin, une fois élue, qu'est-ce que votre père, le docteur Martin, avec son équipe, va mettre en place ? Il a développé entre 65 et 69 une quantité d'actions tout à fait originales pour l'époque. Hein. Ça paraît moins maintenant, mais surtout la gratuité qui pour lui était vraiment une donnée de base. L'idée étant que les gens devaient payer des impôts et que leurs impôts devaient servir effectivement à ce que les services publics soient gratuits. Alors, monter des expositions qui étaient gratuites, la piscine, il a fait construire une piscine et la piscine était gratuite jusqu'à 16 ans, ou je crois quelque chose comme ça. Toute la culture, l'écart, tout était gratuit. François Bureau, militant du CAG. Il disait, les gens payent des impôts, il n'est pas question qu'ils repayent à nouveau. Évidemment, pourquoi les impôts étaient un peu élevés, mais quand les gens participaient à la totalité de la vie communale, ils s'apercevaient qu'ils étaient gagnants. En fait, chacun contribuait à l'impôt selon ses facultés, et c'était redistribué sous forme de service. Et Ernest Martin disait, mais si on fait payer les gens pour participer à toutes les activités, c'est la double peine, parce que pour les plus modestes, ils auront payé leur part d'impôt et ils ne pourront pas payer la part pour participer et justement bénéficier de tout cela et aller vers cette émancipation qu'ils souhaitaient. Qu'un maire puisse dire « la culture est aussi importante que le service assainissement et par conséquent je dois mettre autant d'argent dans le théâtre, dans les arts, dans les expositions, dans l'ouverture au monde, que dans l'évacuation des eaux usées », à l'époque, c'était totalement nouveau. Normandie Actualité, 4 octobre 1966. Les élèves des écoles publiques de Rouen et de Louviers exposent au musée de Louviers quelques-unes de ces œuvres toutes de spontanéité et de hardiesse qu'ils ont réalisées librement dans les populaires ateliers des peintres du jeudi. Une exposition révélatrice des richesses instinctives de l'enfance, monde de la couleur. Entre 65 et 69, les ateliers libres pour les enfants, c'était vraiment un truc qui était essentiel pour mon père. Ça, il tenait beaucoup à cette idée qui se discute, mais enfin bon, son idée, c'était que l'enfant allait pouvoir, si on lui donnait les moyens artistiques, pouvoir créer et que, créant, il allait s'expérimenter lui-même et développer le meilleur de lui-même. Entre 65 et 69 aussi, c'était, ça paraît rien du tout, mais à l'époque c'était tout à fait nouveau, c'était les ateliers d'apprentissage de langues, les langues étrangères. Il avait créé une salle audiovisuelle en quelque sorte, mais avec des magnétophones, et les enfants des écoles venaient prendre des cours d'anglais et d'allemand dans les locaux de la mairie. C'était tout à fait nouveau. Alors, quelques années après, l'éducation nationale a développé ce genre de pratique, mais entre 65 et 69, ça n'existait nulle part. Nous avions créé un atelier municipal d'urbanisme entre 65 et 69, qui avait cette volonté d'autonomie et de permettre à la ville d'examiner et d'imaginer elle-même son développement. Que ce soit les équipements de loisirs, les équipements culturels, ou que ce soit encore les zones industrielles, les zones commerciales. Effectivement, l'idée d'Ernest Martin était qu'il fallait que nous reprenions notre destin en main. C'était une constante. Et le préfet, qui s'appelait Boissier à l'époque, Robert Boissier, avait menacé de supprimer toutes les subventions municipales qui étaient accordées dans le cadre légal pour la construction d'une école, pour la construction d'un équipement public, quel qu'il soit, si nous maintenions cette volonté de créer un atelier municipal d'urbanisme. Ça voulait dire ne pas rester sous la tutelle de la direction départementale de l'équipement. Mais vous l'avez fait quand même. Et nous l'avons fait, et les subventions où l'État s'était engagé ont été versées. Car je vous rappelle que dans ces années-là, le Conseil général était co-présidé par le préfet et par le président du Conseil général élu, et les mairies devaient faire avaliser leurs délibérations par ce qu'on appelait la tutelle, qui jugeait de l'opportunité des projets. On a beaucoup de peine aujourd'hui à imaginer tout cela, parce que on est passé par les étapes de la décentralisation, etc. Et puis on a quand même un esprit moins jacobin. Rénal Darlot, militant du CAG. Mais c'était quand même quelque chose de très difficile à vivre, et dans le contexte de libération de l'après-mai 68, on avait besoin de cette respiration-là, oui, on avait besoin de pouvoir s'émanciper, de pouvoir gérer un certain nombre de choses nous-mêmes. Réprimez-moi si vous voulez, à cause de mes cheveux trop longs, à cause de ma gueule arrogante, au passage des quarts de poulet. Donnez-moi des coups de pied dans le fion, des coups de bidule dans les roustons. Puis enfin traitez-moi de tante, faites-moi une tête bien rasée. Comme les nazis en l'an 40, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. 68 est extrêmement important, ça a été tout à fait décisif, il y avait la grève générale. Alors, comment réagit la municipalité? Municipalité a réagi en mettant à la disposition des enfants de grévistes la cantine municipale, en donnant des bons ou des sommes d'argent à des gens qui étaient en difficulté pour boucler leur fin de mois, en accueillant dans les centres de loisirs à entrée libre tous les enfants dont les parents manifestaient, etc. Tous les employés municipaux qui travaillaient étaient volontaires. On faisait des paquets avec des nourritures de base qu'on allait distribuer aux grévistes. Enfin, vous voyez, j'allais éplucher les pommes de terre le matin. Et puis alors, un grand forum. Il avait sonorisé la mairie. Toutes les salles de la mairie étaient ouvertes aux associations qui voulaient se réunir. Enfin, tout le monde parlait. Le collectif. Très collectif, oui, c'est ça. Oui. Il y avait des débats partout. Moi, j'en ai un souvenir vraiment d'une période exceptionnelle. Sur la photo que vous avez là, vous avez Serge Boff qui est le premier adjoint, Pierre Faupoint qui était le responsable de la CFDT, vous avez Ernest Martin, alors avec son bandeau tricolore, comme dit l'opposition, dont on ne voyait que le rouge, et son pull-over noir qu'il avait enfilé, qui était le symbole du drapeau noir de l'anarchie. Donc comme si Ernest Martin, au lever du matin de ce jour-là, avait décidé de mettre son pull noir et de mettre son écharpe tricolore, qui faisait de lui le responsable de la sécurité dans la ville, puisqu'il était officier de police judiciaire, le maire est responsable de la sécurité dans sa ville. Il était donc à la tête des manifestants pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'incident, pas de violence, et en tout cas, s'il y en avait, il serait là pour y mettre un terme. Et là, qu'est-ce qu'il est dit dans ce journal, voilà. Jean-Charles Wells, donc c'est l'opposition qui parle. Alors l'opposition parle et elle dit « Ne livrez pas votre ville aux anarchistes et aux gauchistes ». Et de la même façon que plus tard, on aura des attaques de la droite, 2 ans après, d'abord en 69, puis en 71 et encore en 76. Ne faites pas flotter le drapeau noir sur la mairie de Louviers. Ne donnez pas la mairie à ses bradeurs, des services, à ses aventuriers. Oui, c'est ça. C'était le mot qui revenait extrêmement souvent dans les textes de la droite et dans les attaques que nous portait le Naïf, qui n'était pas si naïf que ça, parce qu'il était vraiment engagé idéologiquement et il nous emmenait une vie très difficile, une vie très dure. Hier, élection municipale à Louviers, la liste conduite par M. Rémy Montagne, ancien député PDM, arrive en tête avec 42,86% des voix, mais il y a ballottage. Interactualité, 17 mars 1969. En seconde position, avec 34,74% des voix, vient la liste d'action de la gauche pour la promotion de l'expansion par l'autonomie communale, dirigée par le Dr Martin, le maire sortant. L'élection partielle de 69 est intervenue à la suite du refus des élus communistes de voter le budget supplémentaire. Il y avait la solution de négocier, de reculer de la part d'Ernest par rapport à ses propositions et de tenter de répondre aux critiques que faisait le Parti communiste. Il a toujours refusé. Il a considéré qu'il n'avait pas à se plier aux volontés d'un parti politique, quel qu'il soit. Il savait très bien qu'il y avait une possibilité de perdre l'élection, malgré une campagne extraordinaire qu'on avait faite. On avait fait une mairie ouverte où on avait décrit tout ce que nous avions apporté, même si le mot « gratuit » est mis en très grosses lettres. C'était simplement pour appuyer, illustrer le fait qu'on avait créé énormément de services publics et qu'ils étaient accessibles à tous. Lisez-nous, Jean-Charles. Alors, malgré l'effort financier nécessaire aux constructions et aménagements, 400 logements HLM et Sécomil, une piscine, un gymnase au CET, un gymnase à la Roquette, des aménagements dans le stade, dans les clubs, le centre aéré municipal créé, les cantines scolaires, tout le temps à la disposition et avec toutes sortes de menus. CET filles, l'arsenal des pompiers complètement rénové, la résidence des personnes âgées de la place de la République, le centre culturel de la rue du Quai, le club des jeunes qui s'appelait ensuite la maison des jeunes, et les ateliers, et le musée, et les expositions. Et on avait fait une très grande exposition dans la salle du conseil municipal pour que les Lovériens se rendent compte, à travers ce bilan que nous avions fait, le bilan mairie ouverte, de ce que les élus avaient apporté à la ville et surtout du nouvel esprit qu'il avait fait souffler sur la ville. C'était surtout cette chose-là qui était importante. Donc on perd en 69. On perd en 71 parce que les élections étaient encore trop rapprochées et puis la campagne qu'avait fait la droite avait porté incontestablement sur le fait que les impôts avaient un peu augmenté et que bon, donc ça avait porté. Est-ce que la droite se défait de tous ses projets ou pas, Jean-Charles Ouel? C'est-à-dire la question de la gratuité en partie, oui, en partie oui, quand bien même. Sûr, ah, oui. Bien sûr. Oui. Elle considérait que la ville était la risée de toute la région. Elle considérait, par exemple, que rendre un accès libre à une piscine permettait à des habitants d'Elbeuf, d'Evreux ou d'ailleurs de venir nager dans la piscine payée par les Lovériens, etc., etc. Donc, il criait à l'injustice. Alors, parlons de cette période de reconquête, justement. Bon, il faut maintenir, évidemment, l'idéal hein, de cette union de gauche. Et donc, vous allez former, avec d'autres, ce qu'on a appelé le CAG, voilà. Le Comité d'Action de Gauche. On crée un journal. Devenir a été très important. Il était l'œuvre commune d'une équipe très solidaire, très diverse. Des gens qui écrivaient, d'autres qui dessinaient, d'autres qui imaginaient une mise en page originale. On avait des réunions au chalet hebdomadaires, plus les réunions exceptionnelles. Et on a créé le Devenir et on rédigeait des articles. Et Ernest Martin, dans sa cave, avait créé un atelier photo, une salle pour mettre en page avec des verres, des polis et tout ça. Et on mettait en page, parce qu'à l'époque, on tapait à la machine, il n'y avait pas d'ordinateur. On faisait les titres et tout, on faisait des caricatures. Enfin, et c'était tiré chez Henri Fromentin, qui était l'imprimeur de Louviers, très engagé, et qui ensuite est devenu maire. Quoi. Devenir, ça a été une expérience extraordinaire, parce que ça se faisait dans la cave... Chez nous, on faisait les colonnes justifiées, enfin, c'était fou. Et alors évidemment, tous les articles étaient discutés. Alors après, on allait distribuer le journal, donc évidemment, c'est comme les tracts, quoi. C'est toute cette distribution du Devenir. Après, on allait coller les affiches. Parce que c'était quand même la droite à Louviers et le CAG. Il y avait un conflit assez violent. Hein. Il y avait le journal de la droite, Louvier Éclair, je crois que ça s'appelait. Il y a un type qui faisait une chronique. Le naïf, oui, c'est ça. Qui était très violent et très haineux, surtout. Bon, alors donc on répondait. Hein. Mais on a beaucoup plus répondu sur le mode de l'humour. Le parti que nous avions pris à cette époque pour communiquer, on avait dit que la meilleure façon de pouvoir entrer en communication avec les gens, les intéresser, c'était la caricature, c'était l'humour, il fallait trouver les choses les plus cocasses, et je crois que ça fonctionnait assez bien. On parlait de la gratuité des transports, c'est-à-dire des bus qu'on pouvait prendre à n'importe quel endroit de la ville et qui étaient gratuits. Alors ça, c'était devenu un des chevaux de bataille de Rémy Montagne et de son équipe, qui nous reprochait évidemment cette gratuité. On était les gens qui jetaient l'argent par les fenêtres. Et donc, Jacques Voisin, l'un de mes deux amis dessinateurs, avait représenté Rémy Montagne au volant d'un autobus. Donc on le voyait avec le volant au travers du pare-brise. Et le texte de l'affiche était « Montagne ne vous transporte pas, il vous roule ». Donc on avait eu un grand succès aussi avec ça. C'est vous dire qu'on s'amusait beaucoup, hein, et qu'on faisait beaucoup rire les gens, et que finalement, je pense que ça a quand même assez largement contribué à nous faire connaître et à nous faire apprécier. Ces idées séduisaient des gens. Il y avait quand même à peu près 70 à 100 personnes qui venaient aux réunions tous les vendredis soirs, qui discutaient. L'idée étant que la parole avant tout, quoi. Hein, on ne votait pas. Les décisions se prenaient à la majorité parlée comme ça, mais c'était un peu particulier ça. Hein. Oui, il y avait cette idée aussi qu'il n'y avait pas forcément de hiérarchie, qu'il fallait que chacun puisse exprimer et dire ce qu'il ressentait. Et effectivement, alors, est-ce qu'au cas, il y avait différentes classes sociales qui participaient réellement? Est-ce qu'il y avait aussi des ouvriers? Oui, tout à fait. Oui, il y en avait plusieurs, d'ailleurs. Je me rappelle d'au moins 5 ou 6 personnes qui vraiment sortaient de l'usine quand ils arrivaient. Il y avait des employés, il y avait des instits, il y avait des profs, il y avait... C'était très, très varié comme catégorie socio-professionnelle. Isabelle Martin, est-ce que les femmes participaient autant? D'une certaine façon, ça dépendait un peu des débats. Il y avait moins de femmes que d'hommes, ça c'est sûr. Mais sur des thématiques comme l'enfance ou l'éducation, la scolarité, des choses comme ça, la culture aussi... Sur ces thématiques-là, oui. Dès que c'était plus de la politique, comment on se débrouille avec le PS, c'était plus les hommes qui avaient des choses à dire. Mais quand même, ils n'étaient pas cantonnés à servir le café et à plier les tracts pour aller les distribuer. Non, on ne faisait pas que ça quand même. Voilà. Donc de 71 à 76, nous engageons un combat contre la municipalité Montagne, puis la municipalité d'Édouard Thiers, qui était avocat et qui représentait la droite centriste à Louviers. Et nous participons à la reconquête en 76 et 77. Il y a d'intenses discussions au sein du groupe, d'intenses contradictions. J'étais de ceux qui pensaient que Ernest ne pouvait pas être autre chose que maire de Louviers. On avait aussi au sein du groupe du comité d'action de gauche un parti politique qui s'appelait le Parti Socialiste Unifié qui jouait une autre carte en défendant bec et ongles des théories partisanes qui étaient l'autogestion alors que nous défendions une forme d'autogestion qui n'en était pas une, qui était plutôt une forme d'autonomie municipale. Vous l'appelez comme ça ? On l'appelait comme ça. Il est vrai que l'expérience de Louviers a été diffusé, vulgarisé par Christophe Warny, qui était un dirigeant au niveau de la Haute-Normandie à l'époque pour le Parti Socialiste Unifié, qui est donc venu faire un reportage à Louviers en mai 1976. Hélène Hatzfeld, politologue. Et qui a fait comprendre que dans la ville de Louviers, il y avait de l'autogestion et que même il y en avait eu à partir de 1965. Or, en fait, quand moi j'ai bien regardé les choses, que j'ai pu lire les journaux publiés par le comité d'action de gauche ou même avant, je me suis rendu compte que ces militants ne se réclamaient pas de l'autogestion, qu'ils avaient leur propre mot d'ordre, comme rendre le pouvoir aux citoyens. Information, participation, contrôle. Devenez ou redevenez propriétaire de votre ville. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer le triptyque qui est énoncé par le CAG, le comité d'action de gauche, et puis après par la municipalité de 76-77 jusqu'en 83. Information, participation, contrôle. Au niveau de l'information, c'est l'idée que les citoyens eux-mêmes ont énormément de connaissances et qu'ils peuvent apporter aux politiques une expérience dont il est important de tenir compte. Toute cette action que va mener le comité d'action de gauche pour à la fois diffuser des réflexions et en même temps mobiliser la population. On n'imagine pas combien, à l'époque, l'information était dans les municipalités extrêmement faible, et au niveau national également. Participation, information, participation, contrôle. Bon, alors là, on ouvre un champ énorme, mais ce qui a été fait par les municipalités successives à Louviers, ça a été de trouver des moyens pour que la population, dans sa grande diversité, puisse être associée à la réflexion sur la transformation de la vie publique et à la gestion de la vie publique également, qu'il s'agisse des questions artistiques, qu'il s'agit de la fabrique même de la ville, des journaux, des fêtes, toute la vie quotidienne. Avec des commissions ? Avec toute une série de commissions, bon, autour questions santé, autour des questions de logement, etc., d'information, tout à fait. Et puis, donc, contrôle. Et là, l'idée du contrôle, c'est un contrôle citoyen. Là, on a un mot très très important pour ces municipalités successives à Louviers. C'est l'idée que les citoyens ont un rôle extrêmement important à jouer dans le contrôle de l'action municipale. Interactualité, 3 mai 1976. Enfin, dans les municipales partielles de Louviers, toujours au second tour, ce sont les 14 candidats de la liste d'action de gauche qui l'ont emporté hier. 13 d'entre eux retrouvent ainsi leur place au conseil municipal dont ils avaient démissionné au mois de février. Et l'élection du 14e leur donne donc maintenant la majorité, majorité détenue jusque-là par les centristes. Alors, la reconquête de la mairie, c'était une période très très agréable, très festive, très gaie. Ça a été très constructif. Donc c'est à ce moment-là que toute la ligne directrice vers l'enfance a été vraiment développée. Il y avait des crèches, évidemment des créations de crèches, mais des crèches qui étaient tout à fait particulières. Le principe, c'était que les femmes puissent venir déposer leurs enfants soit à la journée, soit pour un petit temps, enfin très très souple. Et avec une attention à l'enfant et une grande attention à la relation mère-enfant. Donc, les puéricultrices qui étaient là se formaient, avaient des réunions, discutaient de la relation mère-enfant. Enfin, c'était très, très créatif. Rien n'était jamais acquis. Il fallait toujours aller plus loin dans la réflexion. C'était vraiment intéressant, cette dimension-là. Et vous, alors, Sabine Anquetin, vous vous impliquez à quel moment dans cette expérience citoyenne et de gestion d'une ville collectivement ? Oui, ben moi, je viens un petit peu, pas par hasard, mais je viens en juin 77, j'arrive à la mairie de Louviers. Je suis jeune assistante sociale, j'ai 25 ans, et je travaille à la protection de l'enfance à Évreux, l'association d'aide à l'enfance. Et je me suis dit que c'était quand même assez désespéré et désespérant, parce que sur plusieurs générations, il y avait toujours de grosses difficultés. Donc mon idée, c'était de revenir à quelque chose de plus de prévention au niveau de la petite enfance. Et puis surtout, j'avais entendu parler d'Ernest Martin, qui travaillait énormément autour de la contraception, des IVG, etc. Donc je suis venue le voir, et il m'a dit, en mois de septembre, je crée un poste d'assistante sociale au service famille. Donc là, j'ai été embauchée. Le docteur Martin, avec les élus, ils avaient réfléchi à un service famille, qu'on a bien sûr, nous, après, amplifié, continué. Et donc, on a travaillé... Donc un projet qui allait de l'avant-naissance jusqu'au troisième âge. Donc ça englobait les IVG, la contraception, les naissances sans violence. Il y avait à mettre en place énormément de choses au niveau des quartiers, au niveau des petits, parce qu'il n'y avait pas de mode de garde, il n'y avait que la crèche familiale. Et puis on accueillait les gens qui étaient très démunis par l'administratif. Et ensuite, il y avait également le troisième âge. Donc nous, au service famille, par exemple, moi je m'occupais pas tellement des entretiens d'IVG, mais je recevais beaucoup de jeunes tous les mercredis. Je recevais 3 ou 4 lycéens, filles, garçons, et on leur parlait de la contraception, et on pouvait même leur délivrer des ordonnances, puisque le docteur Martin nous avait donné ses ordonnances signées, et après ils allaient à son cabinet, enfin voilà, ils repartaient pas avec rien en poche. L'idée était quand même de faire en sorte que l'enfant soit désiré, et qu'il arrive désiré par ses parents, avec des parents qui étaient prêts à l'accueillir. Et donc il a décidé, au moment où sont passées la loi Veil, je crois, de monter un centre d'orthogénie à l'intérieur de l'hôpital. La première chose, c'était effectivement de rendre possible les IVG. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'est tout ce qui touchait à la naissance. Donc, il a monté des groupes de parents, des préparations à l'accouchement sans violence, la possibilité d'accoucher dans des piscines, enfin, ce qui était aussi à l'époque assez nouveau. Il y a eu pas mal de choses sur la sexualité. Il y avait une exposition à la salle des fêtes et on avait fait venir plein de films québécois. Ils étaient en avance un oui, petit peu. Oui, ils étaient énormément en avance sur nous, hein, au niveau des ados, même pour les personnes plus âgées. Enfin, il y avait énormément de réflexions. Vous aviez des référents, je pensais peut-être à William Reich l'époque. Oui. Alors, oui. Sur ces questions de sexualité. Oui, c'était la bioénergie, William Reich, oui. Et justement, le docteur Martin, ben, on partait toutes avec lui, parce que oui, on était 13 travailleurs sociaux au service famille. Hein, ça s'est monté en puissance dans le temps. Et il nous emmenait à Paris à des conférences, on allait à Necker. Donc, on avait ces références-là, on avait Simone de Beauvoir. Oui. Ouais. Simone Etienne, donc, vous avez travaillé au sein de cette mairie. Comment vous êtes arrivée finalement à vous occuper du secteur de l'enfance? Oui, moi j'ai commencé en 77. C'est Ernest Martin qui m'a demandé de venir à ce qu'on appelait l'auberge de la jeunesse, mais qui n'était pas une auberge de jeunesse, qui était un centre de loisirs. Et il m'a demandé de le prendre en charge. Et très rapidement, donc, le centre a été ouvert sur le quartier, mais de façon libre, gratuite, sans inscription. Les enfants venaient parce qu'ils avaient envie d'être là. Et petit à petit, il y a eu beaucoup de monde. C'était des fois assez bruyant, c'était assez joyeux. Parfois, il y avait des bêtises aussi, mais enfin bon, c'était bien. Il y avait aussi un mélange de populations, donc un mélange de cultures, parce que je me souvenais d'un projet quand on était en région parisienne, qui était la Maison des Racines, où on avait mélangé aussi, essayé d'attirer différents milieux, différentes cultures, ce qu'on a fait là également. Alors ça a duré combien de temps, Simone Etienne? Tout le temps de la municipalité, jusqu'en 85? Ça a duré effectivement tout le temps, ça a évolué après, mais moi j'y suis restée 2 ans, simplement. Après j'ai changé de centre, je suis allée au manoir du Bigard, qui était un lieu qu'Ernest avait acheté en 68, dans ces années-là. C'était un ancien manoir privé, dans lequel il voulait mettre plein d'ateliers de création et d'expression. ouvert, pareil, librement, gratuitement, aux enfants, aux adultes, aux écoles. Quand moi j'y suis allée, on a ouvert ça aux écoles. Donc là, on était 7 ou 8 animateurs, plus des vacataires. Enfin, on était une bonne équipe. Et les gens venaient comme ça, selon leur envie, et on était là pour les aider à faire des projets ou à créer tel objet. Bon, voilà, j'ai besoin de ça ou j'ai pas besoin. Enfin, je peins. Il y avait un atelier de poterie, peinture dont je m'occupais, un atelier où on fabriquait des jouets, un atelier de menuiserie. Il y avait musique, photo, et puis un accueil où on parlait. Il y avait théâtre, oui, effectivement. Puis un endroit où on parlait, où les, voilà, on écoutait. Un lieu de rencontre et d'expression. Chorale des élèves de l'école des Acacias, Normandie Actualité, décembre 1978. L'école n'est plus ce qu'elle était il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, dispensatrice de savoir, savoir lire, écrire, compter. Je crois qu'elle a un rôle aujourd'hui qui consiste à apporter des moyens d'expression aux enfants, autres que ceux de la langue, les moyens d'expression par l'expression corporelle, par le travail manuel, le dessin et aussi par les moyens de l'éducation musicale. Jouez un peu de maracas, chacun à votre tour. Vous, vous là-bas, les grosses, les petites, les vertes, les rouges, les bleues, tu vas sauter avec la musique. Encore une fois. Il arrive aussi qu'au cours d'une leçon, pour décontracter, pour amener un temps de repos, on glisse un chant, ou à la fin de la journée, quand il reste une petite minute, ce qui est rare, on glisse un chant. Et très rapidement aussi, donc en 80, l'idée a germé de faire un carnaval de 3 jours de fête en juin, où les gens participeraient. Et on a eu le budget pour le faire, donc là, Ernest Martin était tout à fait pour, et c'était une fête participative. On a fait des ateliers de confection de costumes, de masques, de maquillage, pour que le maximum de gens soient impliqués. On a travaillé aussi avec les écoles. Chaque école préparait des costumes pour venir. Puis l'information passait dans les familles. Et donc, les 3 jours de fête, c'était sur le parvis de l'église, où il y avait des fanfares, les gens dansaient. Il y avait vraiment plein de monde. Plus, par moment, des spectacles de rue. Ça se terminait par un feu d'artifice, un bal populaire. Enfin, c'était pas un carnaval de chars où on regarde. Tout le monde participait à sa façon, quoi. Allô. Je voudrais faire une annonce. Mes camarades et moi-même réunis en commission spéciale, nous vous remercions pour votre accueil chaleureux. Non mais c'est pas un gag, hein. Quand je dis ça, ça fait toujours un malaise, je sais pas pourquoi, mais... Jacques Étienne, alors vous avez le souvenir d'un de ces moments comme ça, de fête aussi. Il y avait le côté aussi de spectacle militant. Quelques souvenirs, c'était surtout plutôt musical. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Je pense à Bernard Lavillier, Mouloudji, les frères Jacques, des têtes d'affiches parisiennes quand même, qui déboulaient dans une petite ville de 20 000 habitants avec entrée gratuite. Bon, bah voilà. La réalité, vous savez comme c'est, bien souvent, dégueulasse. Non, dans une chanson, pour faire des ronds, il faut créer des images. Moi, je garde de ces années un souvenir quand même assez extraordinaire, parce que il y avait une vie sociale intense, il y avait une vie culturelle extrêmement riche et diversifiée. J'ai le souvenir d'avoir vu une pléiade d'artistes à Louviers, la dernière tournée des frères Jacques, par exemple. Georges Moustaki, Anne Sylvestre. Des artistes quand même, bah, Charlebois, qui étaient un peu engagés. Enfin... François Béranger. Même quand ça touchait au domaine de la variété, c'était forcément d'une grande qualité. Eh bien, merde, une chanson, c'est pas ça. En tout cas, pour nous, c'est pas du tout ça. La fête du livre, par exemple, qui avait été pas mal critiquée. C'était un moment très joyeux, puisque la ville avait acheté des quantités de bouquins, des romans, il y avait des livres de poche, il y avait un tas de choses comme ça. Et les gens venaient et avaient le droit de prendre le livre gratuitement. Ça a été une journée tout à fait impressionnante. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus. Et pas seulement les... Il y avait la bourgeoisie, l'Auvergne est venue aussi, mais il n'y avait pas seulement ça. Il y avait des débats à cette fête du livre et aussi on pouvait prendre des livres gratuitement. Voilà, mais... c'est ça, parce qu'il y avait des auteurs qui étaient là, qui parlaient de leurs livres. Et puis à côté de ça, il y avait... toute la salle de la mairie était remplie de tables avec des livres où les gens pouvaient repartir en prenant un livre. Voilà. Le musée, les expositions. Alors, le musée, c'était aussi la difficulté qui était qu'il y avait une conservatrice, hein, quand même, qui était tenue, elle, par sa hiérarchie, et donc tout n'était pas possible. Mais les expositions qui sont venues sont des expositions qui tournaient, en fait, déjà en France, et qui étaient ouvertes au public gratuitement. Tous les enfants des écoles venaient avec une dimension pédagogique, avec des ateliers qui étaient faits en fonction de l'exposition. Des choses qui se font maintenant partout, mais qui n'existaient pas à l'époque. '76-'83 se décompose en deux temps. Il y a la période 76-80 et la période 80-83. La période 76-80 est encore une période d'euphorie, est encore une période d'union entre des membres du Parti Socialiste Unifié, nous qui sommes le Comité d'Action de Gauche, nous gardons une solidarité, une communauté d'esprit et on avance. Le drapeau va au paysage immonde et notre patois étouffe le tambour. Le drapeau va au paysage immonde et notre patois étouffe le tambour. Démocratie. Mais en 1980, pour des raisons locales, pour des raisons de comportement des uns et des autres sur lesquelles on a des appréciations très diverses, il se trouve que nous sommes en recul par rapport à nos propositions et surtout à notre fonctionnement. On ne fonctionne plus de manière suffisamment construite, suffisamment acceptée, et on tombe dans des travers qui font que Ernest a envie d'imposer plus que de discuter, plus que de faire passer déjà au sein du groupe les idées qu'il défend. Et donc, on a un affaiblissement de la démocratie interne qui ne pouvait aboutir qu'à un affaiblissement de notre démocratie et de notre volonté démocratique à l'égard de la population. C'est aussi pour ça qu'on a perdu en 83. On a perdu une flamme, on s'est sans doute lassé, usé, fatigué, parce que la période d'opposition de 69 à 76 avait été euphorique, et c'est peut-être aussi une fatigue intellectuelle sur notre manière de fonctionner qui a été la cause de cet échec. Au revoir. On n'a pas su faire de pédagogie. Ce qu'on a préconisé au début des années 70, en parlant d'éducation permanente, de culture, ben du coup, on ne l'a pas fait pour nous-mêmes, quoi. Ça, je pense que c'est une autocritique à faire. Cette vigilance-là, cette pensée, on a demandé à le faire du côté de la population, et puis soi-même, je crois qu'on n'a pas été assez vigilant, quoi. Bon, c'est vrai qu'on avait hérité, là, de toute cette période de 68, il y avait des débats qui étaient, c'était un peu cérébral, quoi, je veux dire. Ça pénétrait pas forcément dans l'oreille des citoyens. C'était une expérience avec beaucoup d'illusions, beaucoup d'énergie, mais on s'est quand même heurté au principe de réalité, on s'est heurté aux réalités administratives. Et donc, il y a eu des gros conflits autour de certaines réalisations. Je vais vous prendre un petit exemple. La construction d'une école, l'architecte fait un magnifique projet avec les habitants du quartier, un projet où l'école devait être ouverte sur le quartier. Le projet avance et l'association de quartier, tout d'un coup, dit « mais il n'y a pas de barrière pour les enfants ». Ah, et alors là, gros débat, est-ce qu'on remet en question le projet? Est-ce qu'on met des barrières, des grilles, des fermetures? Non, il n'en est pas question. Enfin, vous voyez, des débats de ce type-là. Donc finalement, je crois qu'il y a eu des buis ou des trois N. Mais Les parents avaient peur pour leurs enfants, c'était légitime. Les gens qui voulaient une école ouverte à l'intérieur du groupe avaient du mal à accepter ça. C'était là qu'était le conflit, c'était on veut faire une belle réalisation, elle est intéressante. Pour la plupart, on l'a travaillé avec les gens. Bon, ouais, il y avait des commissions qui marchaient, mais il y a des commissions où les gens n'allaient pas. Et donc, de façon générale, globale, c'est plutôt cette question. La rencontre entre un courant qui voulait maintenir la ligne, rendre le pouvoir aux citoyens, et donc aller moins vite, et l'autre courant qui voulait bâtir, construire, réaliser. D'autant que ce qui se durcissait à la fin, c'était « tant pis, on le fait quand même ». Ça, c'est vraiment ce qui a été au centre du conflit. Et de la désillusion, parce que on est parti avec beaucoup d'illusions. Tout ça partait quand même de l'idée assez folle que l'homme était bon et qu'il suffisait de bien l'éduquer, vous voyez. Malheureusement, il a quand même été oublié tout ce qui n'allait pas et tout ce qui fait que la vie n'est pas si simple. Et en même temps, quand on arrive en 83, c'est Mitterrand qui arrive. Enfin, entre 65 et 81, le monde a changé déjà. Avec les témoignages de Sabine Anquetin, François Bureau, Simone et Jacques Étienne, Reynald Arlot, Hélène Hatzfeld, Jean-Charles Well et Isabelle Martin. Merci à Vanina Gasly du service Pôle Archives de Seine-Eure à Louviers. La question, c'était rendre le pouvoir aux citoyens. Là où on a fait erreur, c'était pas rendre le pouvoir, c'était rendre du pouvoir aux citoyens. C'est pour ça que les citoyens nous ont dit « Mais nous, on vous a donné le pouvoir, il n'est pas question qu'on le prenne. » Et ils avaient totalement raison. Donc c'est rendre du pouvoir, et c'est déjà pas rien. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Alain Joubert. Rendre le pouvoir aux citoyens, Louviers, 1965-1983, un documentaire de Séverine Liattard et Marie-Laure Ciboulet. Cette série d'émissions donc consacrée à citoyenneté et pouvoir est maintenant terminée. On a parlé de démocratie participative lundi, de la Grèce antique mardi et également des régimes qu'a pu connaître la France au 19e siècle et qui ont exclu certaines personnes de la citoyenneté. Et aujourd'hui donc de ce documentaire, vous pouvez réécouter l'ensemble de cette série sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Demain, diffusion du forum enregistré la semaine dernière à la Sorbonne avec l'ensemble des émissions de Savoir de France Culture, un forum consacré au réchauffement climatique. Et pour notre part, nous vous parlerons du petit âge glaciaire et de comment nos ancêtres ont pu justement faire face à des changements climatiques dans le passé.